Les colloques sur les œuvres classiques du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, réunifiant le pays dans l'indépendance et la paix grâce à la grande union de notre nation entière, et le service fidèle pour les masses populaires et le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti du Travail de Corée ont eu lieu en Suisse et en Espagne. Y en prépare les membres du Cercle Suisse d'études des Etudes et du Cercle d'études des Etudes de Madrid, Espagne. Le chef du Cercle d'études des Etudes de Suisse a expliqué en détail les exploits du président Kim Il-sung accomplis pour la réunification de la Corée, précisé dans l'œuvre classique du général Kim Jong-il. Il a dit que son œuvre a une portée importante dans l'actuelle situation où s'aggravent au fil des jours les complots des sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays qui veulent empêcher le mouvement de la réunification de la nation coréenne. Le chef du cercle espagnol a dit qu'en étudiant l'œuvre du dirigeant suprême Kim Jong-un, il a pu bien comprendre le noble idéal politique du Parti du Travail de Corée qui privilège les masses populaires et le vrai aspect de la société de la Corée où le leader, le parti et les masses sont unis dans une seule pensée.